Chapitre 1er. Perfection dans laquelle vivaient les religieuses carmélites du monastère de Saint-Joseph d'Avila. Combien ardent était le désir que Dieu donnait à la sainte pour le salut des âmes. La fondation du monastère de Saint-Joseph d'Avila ayant été achevée, je passai 5 années dans cette maison, et je pense pouvoir dire qu'elles ont été les plus tranquilles de ma vie, n'ayant point goûté, auparavant ni depuis, tant de douceur et tant de repos. Durant ce temps, quelques demoiselles encore fort jeunes, que le monde semblait avoir engagées dans ses filets, tant elles paraissaient vaines et curieuses, vinrent s'y rendre religieuses. Dieu les arracha, par une espèce de violence, du milieu des vanités du siècle pour les faire entrer dans cette sainte maison consacrée à son service, et les rendit si parfaites, que je ne pouvais voir sans confusion l'avantage qu'elles avaient sur moi. Lorsque le nombre de 13, que nous avions résolu de ne point passer, fut rempli, je sentis une joie extrême de me trouver en la compagnie de 16 âmes dont la pureté et la sainteté étaient si grandes, que leur unique soin consistait à servir et à louer notre Seigneur. Son adorable providence nous envoyait, sans le demander, ce qui nous était nécessaire, et quand il nous manquait quelque chose, ce qui arrivait rarement, c'était alors que ces servantes de Dieu étaient les plus satisfaites et les plus contentes. Je ne pouvais me lasser de lui rendre grâce du plaisir qu'il prenait à les combler de tant de vertus, et particulièrement de ce que, méprisant tout le reste, elle ne pensait qu'à le servir. Quoique je fusse supérieure, je ne me souviens point de m'être jamais occupé du soin de ces biens temporels, parce que je croyais fermement que rien ne manquerait à celle qui n'avait d'autre désir que de plaire à Dieu, que s'il arrivait quelquefois que ce que l'on nous donnait ne suffisait pas pour notre nourriture, j'ordonnais qu'on le distribuât à celle qui pouvait le moins s'en passer, mais chacune disant qu'elle n'était pas de ce nombre. On n'y touchait point jusqu'à ce que Dieu nous eût envoyé de quoi en donner assez à toutes. Quant à l'obéissance, qui est celle des vertus que j'affectionne davantage, quoique je l'ai mal pratiquée, jusqu'à ce que ces saintes filles me l'aient si bien enseignée par leur exemple, que, si j'étais meilleure que je ne suis, je ne pourrais l'ignorer, il me serait facile d'en rapporter plusieurs choses que j'ai remarquées en elles. En voici quelques-unes dont je me souviens. On nous servit un jour au réfectoire des portions de concombre. Celle qui me fut donnée était petite et se trouva pourrie au-dedans. J'appelai une de celles de toutes les sœurs qui avait le plus d'esprit, et lui dis, pour éprouver son obéissance, qu'elle alla planter ce concombre dans un petit jardin que nous avions. Elle me demanda si elle le planterait debout ou tout plat. Je lui dis de le mettre tout plat, et elle le fit, sans qu'il lui vînt seulement la pensée qu'étant de la sorte, il sécherait aussitôt. Elle crut au contraire que cela serait fort bien, parce que son désir de plaire à Dieu la faisait renoncer à sa raison pour pratiquer l'obéissance. Je commandai une autre fois à l'une des sœurs 6 ou 7 choses contraires, elle se mit en devoir de les faire toutes sans répliquer, parce que sa foi et son amour pour l'obéissance lui faisaient croire que cela n'était pas impossible. Nous avions un puits dont l'eau paraissait mauvaise à ceux qui s'y connaissaient, et il semblait impossible de lui donner quelque cours, à cause qu'il était fort profond. Je fis néanmoins venir des ouvriers pour y travailler, et ils se moquèrent de moi, disant que c'était dépenser de l'argent inutilement. Je proposai la chose aux sœurs, l'une d'elles fut d'avis de l'entreprendre, et une autre ajouta, « Dieu ne manquera pas sans doute de susciter quelques personnes qui, nous apporteront de l'eau pour ne pas nous laisser mourir de soif. Mais puisqu'étant tout puissant, il ne lui sera pas plus difficile de nous en donner dans cette maison, sans qu'il soit besoin d'en avoir d'ailleurs, je ne doute point qu'il ne le fasse. » Une foi si vive me toucha de telle sorte, que, contre l'avis des fontaniers, je fis travailler à cet ouvrage, et Dieu donna sa bénédiction. On tira de ce puits un filet d'eau fort bonne à boire et qui nous suffit. Je ne rapporte point ceci comme un miracle dont il y aurait tant de semblables exemples, mais seulement pour faire voir quelle est la foi de ces saintes filles, mon dessein n'étant pas de les louer. ni celle des autres monastères, de ce que, par l'assistance de Dieu, elle marche si fidèlement dans ses saintes voies, et je n'aurais jamais fait si je voulais écrire particulièrement tout ce que j'en sais. Cela néanmoins ne serait peut-être pas inutile, parce qu'il arrive souvent que de tels exemples portent d'autres personnes à les imiter. Mais si Dieu veut qu'il soit su, nos supérieurs pourront ordonner aux prieurs des monastères d'écrire les choses les plus remarquables qui seront venues à leur connaissance. Ainsi, je me trouvais avec des âmes toutes angéliques. Car, dois-je craindre de leur donner ce nom, puisque ne m'ayant rien caché de ce qui se passait en elles, mais découvert jusqu'aux choses les plus intérieures. Je sais combien grandes sont les faveurs qu'elles reçoivent de Dieu, combien ardents sont les désirs qu'il leur donne de le servir, et jusqu'à quel point va leur détachement de toutes les choses de la terre. Elles trouvaient tant de consolation dans la retraite, qu'elles ne se lassaient jamais d'être seules, elles n'appréhendaient rien tant que les visites, même de leurs propres frères, et celles là s'estimaient les plus heureuses qui avaient le plus de loisir de demeurer dans un ermitage. Les voyant si vertueuses, et le courage que Dieu leur donnait de vouloir souffrir pour lui, aller au-delà de ce que l'on pouvait attendre de leur sexe. Il me venait souvent à l'esprit que c'était pour quelque grand dessein qu'il les favorisait de tant de grâce. Je ne prévoyais rien néanmoins de ce qui arriva dans la suite, parce que je ne pouvais m'imaginer que ce fût une chose possible. Je sentais seulement que plus j'allais en avant, et plus mon désir croissait de contribuer en quelque chose à bien des âmes. Il me semblait que j'étais comme une personne qui, ayant en garde un grand trésor, désirerait d'en faire part à tout le monde, mais à qui on liait les mains pour l'empêcher de le distribuer et d'en faire des largesses. Car mon âme était comme liée de la sorte, et les faveurs que Dieu me faisait alors, et qui étaient fort grandes, demeurant renfermées en moi, me paraissaient mal employées. Tout ce que je pouvais en cet état, et ce que je faisais avec affection, c'était d'offrir à Dieu mes faibles prières, et d'exhorter mes sœurs à faire la même chose, à souhaiter avec ardeur le bien des âmes et l'augmentation de la foi. À ne rien oublier de ce qui dépendait d'elle pour édifier les personnes avec qui elle se trouvait obligée de traiter. Environ 4 ans après, le père Alphonse Maldona, religieux de l'ordre de Saint-François, vint me voir. C'était un grand serviteur de Dieu, et qui avait la même ardeur que moi pour le bien des âmes, mais avec cette différence, qu'il le témoignait par des effets, au lieu que je n'avais que des désirs. Il était depuis peu revenu des Indes, et après nous avoir raconté combien de millions d'âmes se perdent dans ce nouveau monde, faute d'être éclairées de la lumière de l'Évangile, il nous fit une excellente exhortation pour nous animer à la pénitence. Il se retira ensuite. Je fus touché d'une si vive douleur de la perte de tant d'âmes, qu'étant que mort de moi-même, je m'en allai dans un ermitage, où, mêlant mes soupirs avec mes larmes, je demandai instamment à notre Seigneur que, puisque les démons entraînaient tant d'âmes dans l'enfer, et que je me trouvais réduite à n'avoir que des prières pour les assister, il lui plut de les exaucer, afin d'en sauver au moins quelqu'une. J'avoue qu'en l'état où j'étais, je portais beaucoup d'envie à ceux qui avaient le bonheur de pouvoir, par leur amour pour Dieu, secourir ces âmes, quand il aurait même, pour ce sujet, souffert 1000 morts, s'il était possible. Et Dieu m'a donné une si violente inclination pour ce grand œuvre de charité, que je ne saurais lire les vies des saints qui ont fait de grandes conversions, sans en être plus attendri et envier davantage leur bonheur que celui de tous les martyrs. Parce qu'il me semble que de tous les services que nous pouvons rendre à Dieu, il n'y en a point qu'il estime tant que de lui acquérir des âmes par l'ardeur des prières qu'il nous inspire de lui adresser pour obtenir leur conversion. Lorsque j'étais pressé de cette peine, étant une nuit en oraison, notre Seigneur m'apparut en sa manière accoutumée, et me témoignant beaucoup de tendresse, il me dit, comme pour me consoler, « Ayez un peu de patience, ma fille, et vous verrez de grandes choses. » Ces paroles firent une telle impression dans mon cœur, qu'elles m'étaient toujours présentes, mais quelques efforts que je fisse pour m'imaginer ce qu'elle signifiait, il me fut impossible d'y rien comprendre. Je demeurai néanmoins fort consolé, et avec une grande certitude que les effets en feraient connaître la vérité, et 6 mois après il arriva ce que je vais dire. Markendanarchive.org, d'après, abbaye Saint-Benoît.ch, Thérèse Davila Fondation PDF, licence Creative Commons CC 3.0F, pas d'usage commercial partage à l'identique.